loko asika soki moto ayeli boso na yo azonga kapamba te falmani loko eusepai na yo eloko asika tozala na mokosenga quelque chose de nouveau seigneur something new in your presence une chose nouvelle va commencer dans ta vie écoute-moi maman écoute-moi papa je t'annonce une bonne nouvelle il y a une chose nouvelle qui s'annonce dans ta vie something We bow down before you, Lord. We need something new from you, God. We need to see your hand. We need to see your power. We need to see your anointing upon us. Lord, something new from you straight in our life, in our family, in our work. Give us your Lord. Adresse à Vilo, quoi, si Kaye Bananango. Je vois une arrêt à ma cambo, si Kaye Bananango, et Zaye, si vous êtes la présence de Nayo. Yakala et bon, Banaka, Yasika, Yasika, Moussou, Zayawa, Yasika, Moussou, Zayawa, Adelina, Nathan, Tatabana, Kate. In your presence, something new in your presence.